Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fe yekulu Rabbul alemin ve rattilil Kur'an tertila. Ve yekulu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Non, vous m'entendez les frères ou là? Ouais, c'est bon. C'est bon? Omar, c'est bon, t'es connecté? Ok, très bien. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فلو أجران. رواه البخاري ومسلم. ويقول ابن الجزري رحمه الله في مقدمتي والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. Donc lors de notre dernier cours, nous avons alhamdoulillah terminé sur les muqaddimat, les dix introductions, en l'occurrence qui étaient du nombre de 8. Du fait que deux d'entre elles rentraient dans comme des sous-catégories des autres introductions. Le mohem, l'important, c'est que nous avons terminé l'introduction à la science du At-Tajwid. L'introduction à la science du At-Tajwid. Et nous avons profité de certains points que nous allons revoir tout au long de nos cours, en particulier ce qui est en rapport avec les erreurs dans la lecture du Coran. En particulier ce qui est des erreurs dans la lecture du Coran. Et l'introduction était terminée par certains mérites liés à la lecture du Coran et bien sûr l'apprentissage de ce dernier, comme par exemple la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alors, ça s'approximative de ces paroles, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et autre parmi ces ahadiths que nous avons vus la semaine dernière à la fin du cours de cette introduction, ceci afin de nous donner l'envie de poursuivre l'apprentissage du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de lire dans les mérites de son apprentissage et les mérites de son enseignement font nous nous motivons les uns les autres à cela, à avancer sur cela. Et donc l'apprentissage des sciences du Tajwid, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, la science du Tajwid fait partie des sciences du Coran. Les sciences du Coran qui sont d'un certain nombre. Parmi ces sciences-là, les sciences de Tajwid. Nous avons parmi les sciences du Coran la science de Tafsir, l'exégèse du Coran. Ou sous le Tafsir, les fondements du Tafsir. Nous avons aussi la science des mufradat du Coran, c'est-à-dire l'explication des mots et du vocabulaire lié au Coran. Et nous avons parmi ces sciences-là la science de At-Tajwid qui est devant nous au jour d'aujourd'hui. Donc le fait d'apprendre cette science et de la maîtriser est une manière d'élever, de grandir le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de lui donner la place qui lui mérite dans la vie du musulman, dans la vie de chacun de nous. Ceci pour résumer rapidement les introductions de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez quelques questions par rapport à cela, quand vous avez révisé les PDF, etc. Est-ce que vous avez quelques questions liées au cours de la semaine dernière, les frères ? Non, alhamdulillah. Alhamdulillah. Très bien. Donc, Fawazi, c'était clair ? Allô, ok, tayyib. Donc là, nous allons commencer donc aujourd'hui le deuxième PDF que je vous ai envoyé la semaine dernière. Normalement, vous l'avez. On va commencer donc le deuxième PDF. Le premier point que nous allons voir, ça reste donc là, on est toujours dans une forme d'introduction, malgré que dans cette introduction, on va plus rentrer dans certains points qui ont rapport avec la pratique. Et le prochain PDF ou le prochain cours sera directement dans l'entrée des règles de Tejwid que nous allons voir. Comme on a l'habitude de faire comme dans certains livres, lorsque tu fais une rédaction, la rédaction d'un livre, tu mets en avant, après l'introduction du livre, c'est une méthodologie dans al-bahth al-ilmi, c'est-à-dire la recherche scientifique, de mettre après l'introduction de ton livre, de mettre tu introduis aux gens, donc après ton introduction, tu leur montres ce qui va être vu dans le livre. Donc c'est ce que je vais faire là rapidement. Donc comme vous avez déjà étudié un peu le Tejwid, ça vous parle un petit peu, donc certaines règles vous parlent. Donc après cette dernière introduction, on va rentrer directement dans les règles de Tejwid. Donc un bref sommaire de ce qu'on va faire pendant les cours qui vont arriver. Comme vous avez déjà étudié le Tejwid, vous savez, vous avez des notions sur certaines terminologies du hadith, du Tejwid. Donc après cette dernière introduction que nous allons voir aujourd'hui, on va rentrer donc dans le vif du sujet, qui est en premier lieu les règles de ce qui sont en rapport avec la lettre Nun, Nun as-sakina wa tanwin. Les règles en rapport avec Nun as-sakina wa tanwin. Ensuite, les règles en rapport avec le Mim as-sakina. Ensuite, nous aurons certaines petites règles qui sont secondaires, on pourrait dire, sur certains attributs des lettres comme al-qalqala, aussi al-tasfir, aussi al-tikrar, certains attributs des lettres. Et à chaque fois, au fur et à mesure qu'on va étudier donc les règles, nous allons voir aussi certains makharij des lettres, c'est-à-dire certains points de sortie des lettres. Mais le cours vraiment théorique et aussi pratique qui va nous prendre du temps sur les points de sortie des lettres ainsi que leurs attributs se fera à la fin de nos cours, vraiment tout à la fin, car c'est une porte qui est très importante, mais c'est une porte qui demande beaucoup d'attention et d'avoir un certain niveau déjà dans les règles de Tejwid. Donc on verra en pratique et avec quelques règles faciles tout au long de nos cours, et vraiment la pratique, la théorie et la pratique, nous le verrons cela à la fin de ces cours que nous faisons. Nous avons aussi, après nous allons rentrer dans les règles qui sont en rapport avec Ra, la lettre Ra, les règles en rapport avec la lettre Lam, et ensuite les Moudoud, c'est-à-dire les voyelles longues et tous les Moudoud, et pour finir sur les règles qui sont en rapport avec Al-Waqf, c'est-à-dire l'arrêt et l'Ibtida, le commencement, chose que nous allons voir aussi aujourd'hui vraiment d'une manière assez basique comme une introduction, mais le cours vraiment théorique se fera à la fin, juste avant la porte qui est la porte des attributs et des points de sortie des lettres. Tout cela pour que vous voyez à peu près quelle est la méthodologie que nous allons suivre pendant ces cours là. Et il y aura bien sûr de la pratique et un petit peu de lecture, vraiment pour pratiquer ces règles. Le but c'est vraiment la pratique de ces règles, pas la lecture en elle-même tout au long de ces cours, Inch'Allah ta'ala. Donc là, nous commençons dans cette deuxième introduction. Vous avez le PDF devant vous. Très bien. Donc ici, dans cette nouvelle introduction, les différents niveaux de l'arrestation coranique. la récitation coranique qu'on appelle At-Tartil. At-Tartil, il faut faire attention dans certains livres de Tajwid où certains enseignants mettent en avant que At-Tartil, c'est un niveau de récitation. Alors que Tartil, c'est le titre qui englobe l'ensemble des niveaux de récitation. C'est-à-dire que Tartil, on pourrait le définir comme étant la récitation du Coran en elle-même. At-Tartil. Et en lui-même, il n'est pas un niveau de récitation. Chose que certains enseignants se trompent et mettent en avant At-Tartil comme étant un des niveaux de récitation, alors que At-Tartil, il englobe l'ensemble des niveaux de récitation. Et At-Tartil, donc ce mot, le fait de réciter d'une manière claire, il vient, on l'a pris de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa rattilil Qur'an tartila. Donc il récite le Qur'an clairement et distinctement. At-Tartil. At-Tartil, ce mot-là dans la langue arabe, il vient de Ar-Ratl. Et Ratl, c'est comme la chaîne. Ou comme une chaîne, les maillons d'une chaîne. Donc At-Tartil, c'est le fait de distinguer l'ensemble des maillons de cette chaîne. At-Tartil. Donc, At-Tartil, dans la langue arabe, c'est bien le fait de donner à chaque lettre, comme nous l'avons vu dans la dernière introduction, At-Tartil, c'est le fait de réciter le Coran en donnant à chacune de ces lettres son point de sortie qui lui est propre, ainsi que son attribut. Donc, At-Tartil, il revient à ce que le verset que tu lis est comme une chaîne avec chacune de ces lettres, un maillon. Et toi, lorsque tu récites le Coran avec At-Tartil, tu mets en évidence chacun de ces maillons. C'est ça le terme Tartil. Le Tartil, il est de trois niveaux. Ces trois niveaux qui sont ici dans l'organigramme qui est devant vous. Vous avez le premier niveau qu'on appelle At-Tahqiq. Ici, on a ce premier niveau qui est At-Tahqiq. At-Tahqiq, c'est ce qu'on pourrait appeler la précision. La précision. Ce qui veut dire, c'est ce qui est le fait de réciter lentement le Coran en lui donnant pleinement son droit et en donnant pleinement son droit à chacune de ses règles qui lui sont propres, qui sont propres à sa récitation. At-tahqiq. Le deuxième niveau est la récitation intermédiaire qu'on appelle at-tadwir. At-tadwir. Qui est donc une récitation intermédiaire et qui est la récitation la plus courante du Coran. Je vais vous donner un exemple après cela. Le troisième niveau est ce qu'on appelle Al-Hadr. Al-Hadr. Qui est la récitation dynamique. Ce qui revient à réciter dynamiquement le Coran, d'une manière dynamique et rapide, tout en tenant compte des règles de Tajwid. Donc ici on a At-Tartil qui est le titre qu'on donne à la récitation du Coran. En dessous de ce titre, nous avons trois niveaux de récitation. Le Coran n'est récité que de ces trois niveaux-là. At-Tahqiq, At-Tadwir, At-Hadr. On revient sur At-Tahqiq qui est la précision, le fait de réciter de manière lente comme écrit ici, en donnant pleinement son droit à chacune de ses règles. C'est la manière qu'on a de réciter lorsqu'on récite le Coran sur le cheikh, sur l'enseignant, afin qu'il te sorte chacune de tes erreurs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Ceci, At-Tahqiq. Nous avons la deuxième, le deuxième niveau de récitation, la récitation intermédiaire qu'on appelle At-Tadwir. On traduit ça en français comme une récitation intermédiaire qui sera entre la première qui est Tahqiq et la deuxième qui est Al-Hadr. At-Tadwir, donc intermédiaire. Et ici, on a dit que c'était la récitation la plus courante. Car c'est la récitation avec laquelle récite l'imam dans la prière. Dans l'ensemble des cinq prières. En général, on dit qu'il récite avec At-Tadwir. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Comme cela. La troisième récitation, le troisième niveau de récitation de Tartil est Al-Hadar. La récitation dynamique. Et celle-ci, c'est le fait de réciter le Coran rapidement, mais tout en tenant compte de chacune des règles de Tajwid, sans faire d'exception à une de ces règles. Et ceci, lorsque l'imam récite lors de la prière de At-Tarawih. On appelle cette récitation, lors de la prière de At-Tarawih, Al-Hadr. Il récite avec le Hadr. Généralement, il peut rester avec Tadwir, mais s'il reste avec Tadwir, on sait que certains imams ils font comme cela, mais on voit que leur Tarawih dure très longtemps. C'est pour ça que la plupart du temps, l'imam il récite avec le Hadr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Voilà, cela est le Hadr. Voilà les frères, est-ce que vous avez une question par rapport à cela, par rapport à ces niveaux de récitation ? Non, non, pas tout à fait. C'est clair. Très bien. Ici, comme je vous ai dit la semaine dernière, ce PDF ou ce que j'ai rédigé pour ces cours, pour le Merkez Ibn Malik, j'ai fait bien attention de faire une chose que je n'ai pas vue auparavant dans la plupart des livres. Dans certains livres, il y a certains petits points comme cela, mais vraiment, j'essaie de faire le plus attention, comme on a fait dans la première introduction, lorsqu'on a parlé du Qur'an, le fait de définir bien ce qu'était le Qur'an, et de savoir ce que As-Salaf Salih disait du Qur'an, et pourquoi ils ont dit que le Qur'an, Kalamullah, Ghayru Makhlouq, Minhu Bada'a, Wa Ilayhi Ya'ud. Pourquoi ils ont défini le Coran comme cela ? Car les gens de l'innovation, ils ont commencé à innover sur cet attribut d'Allah Azzawajal, le Coran, et dire qu'il n'était pas créé, et dire qu'il était, pardon, créé, et dire que le Coran n'était pas la parole d'Allah, etc. Comme cela, donc, j'essaie de faire attention de rapporter les paroles de nos pieux prédécesseurs, ainsi de rapporter les paroles de nos imams et de nos savants contemporains aussi, lorsqu'il y a lieu à cela, afin de montrer certaines erreurs dans lesquelles tombent certains enseignants, ou on dira la plupart des enseignants, ou beaucoup d'enseignants en tout cas, du Coran et de la science du Tajwid. Car il faut bien voir cela, c'est quelque chose qui est très important, qui est quelque chose qui est connu auprès de l'ulama parmi as-salaf, le fait que celui qui donne son attention, qui prête une grande attention au Coran, et comme cela la langue arabe, celui qui prend une grande attention à la langue arabe, sans prêter une attention au moins équivalente aux autres sciences, comme la science de l'aqidah ou la science du manhaj, des sciences qui sont plus importantes pour lui, qui sont des sciences de base, eh bien cette personne-là, on le verra tomber dans une certaine exagération et dans certaines erreurs. On voit en cela Par exemple, un livre qui a été écrit par Al-Khatib Al-Baghdadi, qui est mort en l'an 463 de l'Hégire, en l'an 463 de l'Hégire, donc il y a à peu près 1000 ans, Al-Khatib Al-Baghdadi, qui faisait partie des grands savants des premiers siècles de l'Hégire, eh bien, il a écrit un livre que Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi a fait éditer et a fait sa vérification, qui s'appelle Iqtida Al-Ilm Al-Amal, c'est-à-dire, on pourrait traduire par ce qui est appelé par la science, c'est les œuvres. Et dans ce livre-là, il a fait une porte entière, un chapitre entier, au fait que, subhanallah, il me dit qu'ils vont mettre fin à la réunion dans 10 minutes. Après, on remettra une réunion. Donc, Al-Khatib Al-Baghdadi, dans son... Allô? Nam, tu... Vous m'entendez, frère? Allô? Non, t'entends pas, mais... Vous m'entendez mal? Non, oui, c'est moi, je t'entends mieux, là. Ça s'est arrêté quand tu parlais d'un... Quand t'as dit le nom du savant d'un livre, de 400 de l'Égypte, après ça a coupé. D'accord. Attendez, je vous reprends, les frères. Oui. Attendez. Bismillah. Qui est Al-Khatib Al-Baghdadi, a fait dans son livre un chapitre, donc ce savant qui est mort en l'an 463 de l'Hégire, donc il y a à peu près 1000 ans, a fait un chapitre dans ce livre-là, dont il a donné le titre, donc à ce chapitre, la porte de ce que rapporte, la porte de ce que amène l'étude de An-Nahw, donc de la grammaire arabe, comme al-khuyala, ce qu'on pourrait traduire par le fait de se pavaner et de s'enorgueillir. Donc en fait, il a fait un chapitre pour montrer que ceux qui exagèrent dans l'étude de la grammaire arabe, donc en gros dans l'étude de la langue arabe, eh bien cela leur ramène des caractéristiques et des comportements qui sont le fait de s'enorgueillir, de s'enfler d'orgueil, comme cela, le fait de se pavaner d'eux par cette langue arabe qu'ils auront appris et maîtrisé. Comme cela, les grands récitateurs du Coran. Donc c'est une chose qui est connue auprès de As-Salaf, radhiyallahu anhum, mais de nos grands savants, sur le fait que, en particulier, la langue arabe et le Coran est une chose qui amène la personne à se pavaner de cette chose qu'il a acquise. Ah, ok, je comprends. Tu avais parlé de Cheikh Al-Albani, en fait, en même temps, c'est pour ça que j'avais pas compris. Oui, Cheikh Al-Albani, en fait, ce livre-là de Al-Khatib Al-Baghdadi, de ce grand savant, Cheikh Al-Albani l'a... Il a fait imprimer ce livre-là et il a fait la vérification de ce livre par rapport à certains parchemins qui lui étaient parvenus de ce livre-là. Et donc, il l'a fait éditer, donc, Cheikh Al-Albani, ce livre-là. Et en fait, donc, on voit cela, en particulier dans ceux qui apprennent et maîtrisent la langue arabe, comme ceux qui apprennent et maîtrisent le Coran. Pourquoi ? Car ces deux sciences-là, ce sont des sciences qui amènent la personne à parler de cette science qu'il a apprise, ou à le montrer en tout cas. Comme par exemple celui donc, qui a acquis une certaine science dans la récitation du Coran, cette personne-là est celle-là qui sera avancée pour réciter le Coran lors de la prière en groupe, par exemple. Ce sera quelque chose, en fait, cette science qu'il aura acquise, ce ne sera pas une chose qui pourra être gardée pour lui, ce sera une chose qui sera dévoilée. Comme cela, celui qui aura excellé dans l'apprentissage de la grammaire arabe, de la langue arabe en général, cette personne, lorsqu'il parlera avec les gens, il fera preuve d'éloquence. Et cette chose-là sera une chose qui sera dévoilée. Ce qui l'amènera à se pavaner, à avoir cette, à s'enfler d'orgueil de cette manière-là par rapport à cette science qu'il aura acquise, sauf celui à qui Allah aura fait miséricorde. Voilà, donc, tout cela pour dire que beaucoup de personnes qui enseignent cette science, la société juive, tombent dans cette exagération et dans cela. Donc il faut vraiment faire attention à cela et faire attention de qui nous apprenons cette science. Une personne, même si c'est quelqu'un qui est sur un bon manhaj, lorsqu'il enseigne cette science-là, il peut tomber dans beaucoup d'erreurs de par cette chose-là. Donc ça, c'est quelque chose, cette science-là, la science de Tejouïd, comme la science de la langue arabe, est une chose qui est deux fois plus ardue à enseigner. Donc ici, regardez, j'ai mis ce petit panneau afin de nous interpeller. La manière que certains ont de réciter le Coran, vous m'entendez bien les frères, hein? Oui. Très bien. La manière que certains ont de réciter le Coran sort de ce contexte. Le contexte qui est les trois niveaux de récitation qu'on a cités plus haut, de Tartil, qui sont dans cet organigramme ici. Donc la manière que certains ont de réciter le Coran sort de ce contexte, de ces trois niveaux-là. Plutôt, nos savants, comme Sheikh Muqbil, Rahimahullah, Sheikh Al-Albani, Sheikh Rabi ibn Hadi, Al-Madkhali, Sheikh Ubaid Al-Jabiri, Hafidallah, Al-Ahya, wa Rahimallahu Al-Amwat. J'ai cité, bien sûr, ces noms-là, car leurs fatawas sont répandus, on peut les trouver assez facilement, et ils ont même certaines recherches par rapport à la science des juifs, en grand particulier Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, qui lui était un très bon récitateur et quelqu'un qui a étudié vraiment, plus en détail cette science, la science de Tejouïd, et qui a relevé certaines erreurs dont je viens de parler de certains récitateurs, même des récitateurs qui sont connus, comme cela Cheikh Mourbil qui a mis en garde contre certains récitateurs connus, etc. Comme nous allons le voir ici. Donc plutôt nos savants, ce que j'ai rappelé entre ces parenthèses, ont rappelé que ces manières de réciter donc ces manières de réciter par certaines personnes, qui sont adoptées par certaines personnes, ne sont pas conformes. Comme la récitation par exemple de Abdel Basit Abdus Samad. Aussi, Al-Affasi. Mishari Al-Affasi. Mishari Rashid Al-Affasi qui passe sur les chaînes télévisées, etc., etc. Qui sont des restateurs qui sont très connus. Abdel Basit Abdus Samad qui est très connu, un restateur égyptien. Quelles sont ses erreurs dans la récitation, malgré que c'est quelqu'un qui a une bonne récitation, mais il est tombé dans de l'exagération au moment de réciter. Vous devez l'avoir déjà vu sur Internet, sur YouTube, etc. Donc il met ses deux mains des deux côtés de ses oreilles, sur sa tête, et il récite et on entend Allahu Akbar, Allahu Akbar derrière. Vous voyez, cette récitation-là, qui est là, il y a beaucoup d'erreurs dedans, et Sheikh Muqbil avait mis en garde contre cette récitation à l'époque, dans certaines fatawas, rahimahullah, sur le fait que cette personne-là, dans cette récitation-là, qui a été adoptée par beaucoup de gens, en particulier ici en Égypte, Al-Azhar, parmi les récitateurs, le fait qu'il rentre dans deux grosses erreurs qui sont At-Tamtit ou At-Damj. At-Tamtit, c'est le fait de rajouter des voyelles dans ta récitation. C'est-à-dire rajouter des voyelles, de faire un med là où il n'y en a pas. Tu diras Al-Mustaqim. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Ici, tu as dit Al-Mustaqim. Il n'y avait pas de med ici. Tu as rajouté un med. Lui, bien sûr, c'est pas aussi flagrant dans sa récitation, mais la manière qu'il a de réciter comme cela en mettant ses deux mains, c'est une manière qui est connue, et la manière qu'il a, vous voyez, il récite très très lentement. On sort de ce niveau qu'on a vu un peu plus haut, qu'on appelle At-Tahqiq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. At-Tahqiq, on sort de cela. On voit qu'il exagère dans cela, au point de rentrer dans cette erreur, c'est-à-dire de rajouter des voyelles où il n'y en a pas. Comme cela, on voit que Mishari al-Affasi, qui est très connu, al-Affasi, donc vous, il a une très belle voix, il a de la science dans les récitations du Coran, il a les 10 lectures du Coran, mais il est tombé dans certaines erreurs dans sa manière de réciter, au point que sa récitation ressemble plus parfois à des anachides qu'à une récitation du Coran. Je pense que l'Affasi, je pense que vous le connaissez aussi. Ouais, sa récitation ressemble plus à des anachides qu'à une récitation du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Je pense que vous le connaissez, l'Affasi, donc il est très connu. D'accord. Vous voyez même parfois sur des vidéos sur YouTube, et il est pendant la prière de Tarawih, ils mettent la caméra sur lui, c'est-à-dire devant lui. Pendant que lui, il récite, imam, je ne sais pas comment il arrive à se concentrer en ayant une caméra directement sur moi. J'ai vu cela aux Émirats quand j'y étais. Certains récitateurs, ils font cela. La caméra, elle est juste devant lui. Elle n'est pas cachée. Et toi, tu es là dans ta prière en train de rester. Tarawih, c'est quelque chose de... Bref, c'est devenu à cette méthode-là de l'Affasi, souvent là-bas aux Émirats, au Koweït, c'est devenu une méthode qui n'est vraiment pas légiférée, la manière dont ils ont de réciter le Coran et d'enregistrer leurs CD, etc., etc., malheureusement. Et comme cela, certains parmi nos savants ont mis en garde contre eux, cette manière-là, comme Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullah, qui a certaines fatwa par rapport à l'Affasi. Ici, donc vraiment, voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention même dans ton apprentissage du Coran, de qui tu le prends. Que, déjà, que ce soit un salafi, mais même dans la récitation, la personne qui récite le Coran, bien voir que il y a des grosses erreurs parfois. Vraiment faire attention. Et comme le disent certains de nos savants, comme Cheikh Ubayd al-Jabiri aussi dans une autre fatwa, Hafidhahullah, il dit « Alaykum bil qurra'i salafiyin ». Donc il nous enjoint à prendre des qurra ou d'écouter les qurra as-salafiyin, les récitateurs salafi. Et il a cité parmi eux Cheikh Abdurrahman, Cheikh Ali al-Hudhayfi. Cheikh Ali al-Hudhayfi, Ali Abdurrahman al-Hudhayfi. Donc qui est imam de la mosquée de Médine, qui est aussi un savant et qui est enseignant dans l'université de Médine aussi. Et il est imam depuis très longtemps, vous le connaissez sûrement très très bien, c'est lui aussi, sa voix qui est enregistrée sur les CD depuis peut-être une vingtaine d'années, sur les CD en français avec la voix d'une personne qui traduit en français le sens des versets, Youssouf Leclerc. Vous avez donc sa voix, c'est Ali al-Hudhayfi qui est dessus. Voilà, ensuite, ici, j'ai mis un point sur le fait que le grand savant, Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah le préserve, a même écrit un conseil autour de ce sujet. Nam ? Vous m'entendez, les frères ? Non, moi je t'entends bien. Je ne sais pas ce qu'il a pas dit, il a dit un truc, mais... Tu reviens. Allô ? Ouais, Fawazi ? D'accord. D'accord. Par rapport à ce qu'il conseille comme personne ou... Oui. Non, donc Cheikh Ubayd, donc il conseille ce savant qui est Cheikh Ali ibn Abdurrahman al-Hudhayfi. Lorsqu'il dit « Alaykum bil qurra as-salafiyin » comme Cheikh Ali al-Hudhayfi. Donc il enjoint de prendre et d'écouter le Coran des qurra, des récitateurs salafi. Comme parmi eux, Cheikh Ali al-Hudhayfi, qui est imam dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Comme cela, c'est un savant de Médine et qui est aussi enseignant à l'université de Médine. Et que vous connaissez certainement, sa voix est enregistrée sur les CD depuis peut-être une vingtaine d'années, sur les CD en France, qui sont traduits même en français, avec la voix d'un monsieur comme ça, un frère qui s'appelle Youssouf Leclerc, qui a traduit le Coran, l'essence du Coran en français. Donc c'est sa voix, lui, Ali al-Hudhayfi, en arabe, qui est enregistré, et voilà, qui est un récitateur salafi, alhamdoulilah. Ensuite, ici, on a le fait que le grand savant, Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, Hafidhahullah, a même écrit un conseil autour de ce sujet, qui en résumé, dernier un conseil qui est assez long, mais en résumé, le fait que beaucoup de spécialistes, donc ici entre guillemets bien sûr spécialistes, qui se prétendent spécialistes, dans la récitation du Coran, prennent un grand soin à sortir les lettres de la meilleure, encore une fois entre guillemets, de la meilleure des manières, et tombent alors dans l'exagération, alors que la voie de nos pieux prédécesseurs était de réciter le Coran d'une manière naturelle, avec le respect des règles de Tejwid. Ça, c'est le résumé du conseil de Cheikh Rabi' qu'il a écrit une nuit de Ramadan il y a des années auparavant. Le fait que beaucoup de personnes qui se prétendent spécialistes de l'arrestation, comme je vous ai dit un peu avant, ils exagèrent dans beaucoup de choses. Parmi cela, la manière de sortir les lettres. C'est-à-dire que tu vas le trouver, cette personne-là, ce récitateur, cet enseignant, qui te dira, qui passera du temps à te dire, il faut que tu sortes la lettre Sad de telle manière, la lettre Vod de telle manière, la lettre Qaf de telle manière. Et il abusera sur cela, et lorsque lui-même récitera le Coran ou récitera cette lettre-là, tu sentiras en fait c'est quelque chose de palpable, tu sens une exagération dans sa manière de réciter. C'est quelqu'un qui a de la science théorique, même pratique, qui a peut-être les 10 lectures du Coran, des gens comme ça, moi j'en ai vu personnellement plein, j'ai étudié chez certains d'entre eux le Coran, le fait qu'ils exagèrent dans leur manière de réciter, au point que tu les entends réciter le Coran, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu l'entends dans la prière réciter, tu sens, ah, là il exagère sur cela. Tu le sens, même quelqu'un qui n'a pas forcément une science dans la récitation du Coran, il sent cette chose-là. Au moment des graves et des aigus. Des graves et des aigus, bien sûr, ça c'est une règle qu'on va étudier, qui est une règle importante. Les graves et les aigus sur les lettres, le fait de dire ra et de dire ri, tu dis pas ri, ri, ri, ça c'est grave. La lettre ra, lorsqu'elle a une kessara, on la prononce d'une manière aiguë. On dit ri, ri, c'est pas ri. Donc ça c'est quelque chose qui est important dans la récitation de Tejwid. Mais ne pas exagérer dans cela, au point que lorsque cette personne récite, tu vois bien qu'il y a un problème. Il exagère. Et cela chez beaucoup de personnes. Alors que regardez, ça c'est le résumé de la parole et le conseil de notre cher Cheikh Rabi' Ibn Hadi, Afidahullah, le fait que la voix de nos pieux prédécesseurs Salaf Salih sur leur manière de réciter le Coran avec la règle de Tajwid, c'était de le réciter d'une manière naturelle, sans exagération. Tu apprends Naam, les points de sortie des lettres pour le prononcer correctement, mais tu ne vas pas jusqu'à exagérer au point que lorsqu'on regarde cette personne-là, il est comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith où il dit que Allah déteste la personne qui est éloquent à la manière et qui bouge sa bouche et sa langue à la manière d'une vache, la manière qu'une vache a de bouger sa langue dans sa bouche. Et bien ce récitateur-là, au moment où il récitera ses lettres de cette manière-là, tu verras cette erreur. Le fait qu'il récite et tu vois sa bouche qui bouge dans tous les sens, sa langue, etc. Alors que c'est quelque chose de qui n'est pas naturel. Plutôt, Salaf Salih, Sahaba, ils avaient l'habitude de réciter le Coran comme ils parlaient. Réciter le Coran comme ils parlaient, juste en embellissant leur voix. Un dernier point par rapport à cela que je n'ai pas écrit ici mais que j'aime à le rappeler, une chose qui est très importante, le fait, une chose qui est aussi une innovation que nos savants ont mis un point dessus, parmi eux Cheikh Rabi', parmi eux certains d'autres comme Cheikh Bakr Abou Zayd qui lui a écrit un petit épître sur cela, le fait de copier l'arrestation de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as les récitateurs qui récitent d'une certaine manière, par exemple, qui sont connus, Sudeis, Shuraim, Saad al-Ghamidi, ils ont une récitation qui est connue, Et on voit que beaucoup de récitateurs du Coran ou beaucoup d'imams, quand ils récitent, ils disent « Oh, ils récitent comme Shuraïm, oh, ils récitent comme Sudeïs. » Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une innovation. Ça, c'est une innovation. Car on voit que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui le meilleur des hommes et le meilleur des récitateurs du Coran, car c'est sur lui qu'il a été révélé. C'est lui qui avait donc la meilleure manière de réciter, qui était l'exemple à suivre dans cela. Mais l'exemple à suivre, pas dans sa manière, de réciter le Coran, pas dans son timbre de voix, ni la manière qu'il a de réciter d'une manière naturelle, qui vient de manière naturelle. Ce qu'il faut prendre de lui et ce qu'on doit apprendre de lui, ce sont ses règles qu'il a utilisées pour réciter le Coran, des règles qui peuvent être appliquées à tout le monde. Alors que le timbre de voix, les aigus, le fait de monter en voix, de baisser, et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont naturelles, qui sont propres à la personne. Et cette chose-là, Allah Azza wa Jalla ne nous a pas imposé de le copier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est lui le meilleur des hommes, et le meilleur de qui on peut apprendre le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont moins que lui parmi ces récitateurs qu'on voit aujourd'hui? Comme cela, donc bien sûr, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas l'arrestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enregistrer, mais on voit que As-Sahaba, radhiyallahu alayhim, il n'a jamais été rapporté qu'un tel récitait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, de la même voix. Plutôt, ils avaient chacun leur voix, chacun leur manière de réciter. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, dans la mosquée, il a voulu écouter le Coran de Abu Musa al-Ash'ari. Il lui a dit, récite-moi le Coran. Et Abu Musa, qui a été surpris de cela, il lui a dit, alayka aqra'u ya Rasulallah wa alayka unzila. Est-ce que je vais le réciter sur toi alors que c'est sur toi qu'il est descendu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, j'aime l'entendre de quelqu'un d'autre que moi. Et après, il lui a dit que il lui a été donné, dans le sens de ses paroles, il lui a été donné une flûte parmi les flûtes de la famille de Daoud. Mizmar min mazamiri Ali Daoud. C'est-à-dire qu'il avait une belle récitation, une belle voix, comme Daoud alayhi salam et les gens de sa famille. Abu Musa al-Ash'ari. Donc on voit que, dans ce hadith, une preuve que Abu Musa ne récitait pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait sa voix, il avait son timbre de voix, sa manière de réciter, mais les règles étaient les mêmes. C'est quelque chose qui est très important, de bien voir que ceci est une innovation. La personne qui va écouter Sudeïs et réciter comme Sudeïs récite, à sa manière, à lui, il sera tombé dans une innovation. Voilà, pour cette petite introduction qui était assez importante à mon sens. Est-ce que vous avez une question par rapport à cela, les frères, avant que je continue? Non, c'est clair. Très bien. Ici, on passe aux règles concernant la demande de protection et la basmala. Donc, la demande de protection qui est, comme écrit ici, al-isti'adha. Al-isti'adha. Elle est obligatoire au moment de commencer la récitation du Coran. D'après la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans Surat al-Nahl, les abeilles, le verset 98, où il dit, tabaraka wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dans une traduction approximative, dans Surat al-Nahl, les abeilles, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Nous avons dit ici qu'elle est obligatoire, cette isti'ada. Elle est obligatoire, ça c'est l'avis le plus fort. Mais ici, j'ai rappelé que certains savants l'ont jugé simplement recommandé. Mustahabba. Mais l'avis le plus fort est qu'elle est wajiba. Car Allah, dans ce verset, nous ordonne. Il nous dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah. Fasta'id billah. C'est un ordre qu'Allah Azza wa Jalla nous donne ici. Et il n'y a pas de divergence sur le fait que cette demande de protection n'est pas un verset du Coran. elle est unanimement une demande de protection, une formule qui n'est pas un verset du Coran. Bien sûr, ici, je ne parle pas de ce verset que nous avons lu ici. Donc ici, ce n'est pas ça qui est voulu. Ça, c'est un verset clairement de Surat An-Nahl. Ce que je veux dire, c'est cette demande de protection que tu lis, cette formule que tu lis au début de ta lecture du Coran, que tu récites au début de ta lecture du Coran. En ce qui concerne sa formule, la formulation de cette isti'adha, cette demande de protection, on a ici, au moment de la lecture du Coran et en dehors de la prière. Car, j'ai bien précisé ici, en dehors de la prière, car au moment de la prière, ceci a une autre, un autre jugement, qu'on va voir un petit peu après, un peu plus tard. Donc ici, on parle de la, au moment où tu désires lire le Coran, en dehors de ta prière. C'est-à-dire lorsque tu vas réciter le Coran sur l'enseignant, lorsque tu vas faire juste une simple récitation du Coran, une lecture du Coran pour lire le Coran comme cela. Lorsque tu vas réviser ce que tu as appris, lorsque tu vas apprendre le Coran, faire du hifd, tout cela rentre dans cela, en dehors de la prière. Eh bien, celle-ci peut être prononcée de quatre manières. Ces quatre manières, on les voit là tout de suite, et au prochain cours, je vais vous demander de me les redire. Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est des choses, là, on rentre dans des choses, les frères. Barakallahu fikoum, de faire attention à l'apprentissage par cœur de ce qu'on voit, Inch'Allah. Au prochain cours, je vous demande. Et Annie, excusez-moi, le cours il coupe beaucoup ou là ça va le son en général? D'accord. Ok. C'est là, au prochain cours, je vais vous demander de me réciter ces quatre formules, de me les rappeler quand je vais vous dire les quatre formules. Je veux de vous les quatre formules. Vous me dites quelles sont ces quatre formules. De bien faire attention, hein. Là on commence à rentrer dans des termes où je vais vous demander de l'apprentissage par cœur sur certains termes et sur certaines règles. Donc ici, au moment de la lecture du Coran, encore une fois, je précise bien, en dehors de la prière, tu prononces l'isti'adha de quatre manières. La première manière, « A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim ». La deuxième, A'udhu billahi sami'il alim minash shaitani ar-rajim. La troisième, A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Là, vous avez toutes les harakat aussi dessus pour vous aider, les frères, c'est important. La quatrième, A'udhu billahi sami'il alim minash shaitani ar-rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Je pense que vous les connaissiez déjà. Juste, il y a deux, trois petits points à voir par rapport à cela. Première chose, vous voyez que lorsque je viens de les réciter, de les lire, je ne les ai pas lus à la manière qu'on peut entendre certaines personnes le faire, avec un embellissement de la voix. Là, on ne parle pas de tejoud, on parle simplement d'embellissement de voix. Parce que tejoud, c'est comme on a vu le fait de sortir chaque lettre de son point de sortie, avec toutes les règles qu'ils ont attrait au tejoud. Donc, le tejoud n'est pas l'embellissement de la voix. Et ici, beaucoup de personnes, vous pouvez les entendre réciter ces demande de protection avec un certain embellissement de la voix. Donc ils diront A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Et ceci est une erreur. C'est pour ça que je l'ai prononcé comme elle est, comme une lecture normale. A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Car cette demande de protection, comme on l'a vu plus haut, regardez, donc chacun des termes qui sont utilisés ici, ils ne sont pas. Je ne les ai pas mis d'une manière anodine. Regardez ici. J'ai dit, il n'y a pas de divergence sur le fait que cette demande de protection n'est pas un verset du Coran. Si elle avait été un verset du Coran, comme on va voir lorsqu'on va voir Al-Basmala, lorsqu'on va parler de Al-Basmala, la divergence qu'il y a sur le fait que c'est un verset du Coran, à ce moment-là, cela aura un autre jugement. Mais ici, il n'y a pas de divergence sur le fait que ce n'est pas un verset du Coran. Donc le fait de réciter en embellissant la voix, comme le font certains récitateurs, certains lecteurs, certains enseignants, Allah a'lam, beaucoup de gens le font comme cela. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ils récitent comme cela, en embellissant leur voix, ça c'est pas de la sunna. Et ce n'est pas légiféré de le faire comme cela. C'est aussi légiféré que lorsque tu prends un livre lambda, n'importe quel livre, un livre de religion ou même un livre, je dis comme ça, hein, c'est pas de la littérature que nous lisons, mais même un roman qui parle Ali Baba, les 40 voleurs, etc. Bon, je dis ça comme cela, ce n'est pas notre littérature, mais le fait de prendre un livre comme cela et de réciter et de lire le livre en embellissant sa voix, ça revient à cela. Donc cette chose n'est pas légiférée. Ici, on a un petit point qu'on va voir ici aussi, qui est important. J'ai dit un peu plus haut que cela au moment de la lecture du Coran, en dehors de la prière. Car dans la prière, comme j'ai dit ici, par contre, en ce qui concerne la prière, il n'est pas rapporté de manière authentique, ou il n'est rapporté, pardon, de manière authentique que les deux dernières formules. Comme l'a détaillé le grand savant, Cheikh Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre, la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque tu rentres dans ta prière après takbirat al-ihram et avoir récité, avoir dit donc dua al-istiftah, eh bien tu diras al-isti'ada avant le basmala et avant al-fatiha, tu le diras de ces deux manières-là, la 3 et la 4, simplement. Car la première et la deuxième n'ont pas été rapportées de manière authentique, n'ont pas été rapportées dans un seul hadith de manière authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa prière, réciter ou ordonner de réciter al-isti'ada de cette manière-là. A'udhu billahi minash shaitanir rajim ou a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Yani la personne qui dira simplement cela, yani il aura fait la demande de protection mais il n'aura pas suivi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ta prière de toujours dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim ou A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Cela dans la prière, et il n'a pas été rapporté autre que cela. Un dernier point par rapport à al-isti'ada. Comment prononcer cette formule ? Nous prononçons cette formule à voix basse lors de la récitation pendant la prière. Et tantôt à voix haute, tantôt à voix basse, en dehors de cette dernière. C'est-à-dire que lors de la prière, tu ne toujours à voix basse, tu diras al-isti'ada toujours à voix basse. Et en dehors de la prière, comme lorsque tu récites le Coran pour toi-même, lorsque tu récites devant l'enseignant, etc. Parfois tu le feras à voix basse, et ça c'est le plus souvent. Parfois à voix haute. À ce moment-là, c'est lorsque l'enseignant te dira « Récite à voix haute », comme je vous dirai la semaine prochaine, « Récite à voix haute » afin de voir si tu récites l'isti'ada, comment tu la récites, comment tu l'as dit. Une autre chose, comme je l'ai évoqué ici, on ne l'absalmodie pas, car ce n'est pas un verset du Coran. Un dernier point avant de rentrer dans le basmala qu'on verra au prochain cours, incha'Allah ta'ala. Ici, j'ai dit que ceci est légiféré lors de l'arrestation du Coran. Et non, légiféré donc, et non légiféré lors de la lecture de un ou deux versets. Lors d'une conversation par exemple, ou d'un cours, ou d'un sermon, etc. Comme l'ont démontré nos savants, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen, etc. Rahimahumullah. C'est-à-dire que l'imam, lorsqu'il fait khutbat al-jumu'ah, c'est une erreur de dire, lorsqu'il va réciter par exemple un verset comme cela, il veut réciter un verset, il veut dire aux gens par exemple, il fait une khutbah sur la prière, Elle dit, قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Là, ça c'est une erreur. Il a resté qu'un seul verset, ou deux versets, ou trois versets, yani il n'a pas voulu par cela la récitation du Coran. Il a voulu simplement prendre comme preuve un, deux versets, trois versets du Coran. Ou lors d'une conversation entre toi et ton ami, tu dis, oui mais Akhi, Allah dit dans le Coran comme cela. Quand tu dis, Allah dit comme cela dans le Coran, tu ne dis pas, il dit, A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, et tu dis ce verset-là. Pareil, lors d'un cours, à chaque fois que la personne donne son cours, à chaque fois qu'il dit un verset, il ne dit pas l'isti'ada avant cela. Ceci est une erreur. On l'entend dans beaucoup la khutba de Jumu'ah, la personne dit wa qala Allah ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitani ar-rajim. Ça c'est une erreur. Et la preuve que ceci est une erreur, on va terminer sur cela. Donc comme l'on mis en évidence Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymeen et autres parmi nos savants, la preuve de cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez, si vous prenez donc le hadith numéro 10 de Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, le numéro 10 qui est rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué ce hadith, certes Allah est bon et il aime ce qu'il est bon, ce qui est bon, et il a certes ordonné au messager il a certes ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il dit, oh, dans le sens approximatif de ses paroles, oh vous, mes messagers, mangez des bonnes choses et faisez de bonnes œuvres. On voit que le prophète sallam dans ce hadith, Abu Huraira n'a pas rapporté que le prophète sallam a dit, A'udhu billahi minash shaitani ar-rajim, avant de dire ce verset, et le verset qui suit aussi après. Donc ça c'est une chose que beaucoup se trompent dans cela, donc il fallait en parler. Les frères, ces introductions, comme je vous ai dit, elles sont très importantes, de bien les maîtriser, de bien voir toutes ces erreurs dans lesquelles tombent beaucoup de récitateurs du Coran, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'imams. Donc c'est pour cela qu'on s'attarde un petit peu dessus. J'espère que le cours a été profitable. Si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas les frères, barakallahu fikoum. Et à partir du prochain cours, je vais vous demander donc de m'apprendre par cœur donc ces quatre formules de l'isti'ada. On va les réciter aussi au prochain cours. Et là, on commence à rentrer dans la pratique. Et au prochain cours, on verra ce qui est en rapport avec le basmala. Fait-elle partie du Coran ou non? La divergence qu'il y a dessus rapidement, et après la manière que tu as de commencer ta récitation du Coran, c'est-à-dire la liaison que tu fais entre al-isti'ada, al-basmala, le début de la prière, etc., et la manière que tu as de couper ta récitation du Coran. Et on aura fini donc ces introductions, on pourra rentrer dans les règles de an-nun as-sakina wa at-tanwin insha'Allah ta'ala au prochain cours. Bi'idnillah tabaraka wa ta'ala. J'espère que c'était profitable et si vous avez des questions, n'hésitez pas inshallah. Tafaddalou les frères. وفيكم بارك الله. وبارككم. الحمد لله donc tout a été clair. وفيكم بارك الله. Alhamdulillah. S'il y a quoi que ce soit comme question, en tous les cas, les frères, vous avez mon numéro, vous n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a des choses peut-être qui étaient que vous avez que vous avez trouvé peut-être étrange ou quelque chose comme cela. N'hésitez pas, il faut le dire. Allez-y. Des choses que vous aviez peut-être pas entendues auparavant ou quelque chose comme cela. Il n'y a pas de problème, vous n'hésitez pas, Inch'Allah, les frères. Wa fikoum barakallah. C'était très clair. Parce que la plupart des éléments que tu rapportes, Alhamdulillah, par la Kandala, tu détailles après. Donc, Alhamdulillah, Antoum Fazakmakhe. Barakallah, fikoum, les frères. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala, à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak, ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tous les cours, les frères, je les enregistre aussi. Tous les cours, je les enregistre. Comme ça, si on a besoin de revenir dessus, ou si, parce que normalement, il devait y avoir deux autres élèves, donc ils ne sont pas là, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a un qui va nous rejoindre. Dans tous les cas, alhamdoulilah, al-baraka. Et al-baraka, alhamdoulilah. On avance comme cela. Mais au moins, s'il y en a un qui doit revenir en cours de route, ou si un de vous ne peut pas être présent un jour comme cela, au moins les cours, ils sont enregistrés. Et si vous en avez besoin, je vous les envoie, il n'y a pas de problème, inchallah.